إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل أيها المسلمون والمسلمات الخطب التي تبين فضل التوحيد وتشرح معانيه وما ومقتضاه، وأيضا نشرح من خلال هذه الخطب التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمامها، نبين كذلك خطر الشرك ونبين تفاصيله. أما اليوم فحديثنا عن السحر والكهانة اللذان هما من كبائر الذنوب المحرمات ومن الآثام الموبقات، وإن الساحر والكاهن يفتن قلوب البسطاء، يتجافى عنه أولو الألباب، وينأى عنه أصحاب الفطر السليمة. والسحر أيها المسلمون والمسلمات عزائم ورقى وكلام يتكلم به، وأدوية وتدخينات وغير ذلك، وهو الشرك أكبر مناف للتوحيد. السحر أيها المسلمون شرك أكبر مناف للتوحيد، محرم في جميع الأديان، لا يتوصل إليه إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليها، شره عظيم على المجتمع، فكم قتل السحر من أناس وأمرض آخرين وذهب بعقولهم وفرق بين زوج وزوجته وسبب العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا كله فساد وظلم وعدوان. Nous continuons, chers musulmans et musulmanes, ces prêches du vendredi dédiées à la chose la plus importante, celle pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créé, qui est l'adoration d'Allah seul, sans ne rien lui associer. D'expliquer le tawhid, l'unicité d'Allah, ses mérites et ses détails, et d'expliquer également le polythéisme, son danger, et les détails de ce polythéisme, afin que le musulman n'y sombre pas. Quant à aujourd'hui, nous parlerons de la sorcellerie et du charlatanisme, qui font partie des grands péchés en islam. Ce sont des énormes péchés qui causent la perte de la personne. Et les sorciers, les charlatans trompent malheureusement les personnes qui ont une raison faible ou les personnes qui sont naïves. Quant aux personnes douées d'intelligence, quant aux personnes douées d'une raison saine, eh bien ils s'éloignent de ce genre d'individus. La sorcellerie, ce sont des incantations, ce sont des formules, ce sont des paroles qui sont prononcées, ce sont des substances utilisées, parfois des sortes de fumées qui sont utilisées de façon illégale. Et sachez que la sorcellerie est du grand polythéisme. Que de s'adonner à la sorcellerie et du grand polythéisme qui vient contredire le tawhid. Et cette sorcellerie a été interdite dans l'ensemble des religions. L'on ne peut atteindre la sorcellerie qu'après avoir au préalable adoré les diables et s'être rapproché d'eux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mal de la sorcellerie est immense. Combien la sorcellerie a-t-elle tué de personnes? Combien a-t-elle rendu malade des personnes? Combien la sorcellerie a enlevé la raison des personnes et les a rendues folles, ne sachant plus où aller et ne sachant plus quoi dire? Combien la sorcellerie a séparé entre un homme et sa femme. Combien la sorcellerie a été la cause d'inimité, de discorde et de séparation au sein d'une seule et même famille. Tout ceci est du désordre. Tout ceci est de l'injustice. Tout ceci est de l'oppression envers les musulmans. والأدلة على تحريم السحر كثيرة منها قول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي قد علم اليهود أن من رضي بالسحر عوضا عن شرع الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب لأنه باع دينه بدنياه وهذا من أبلغ الوعيد إذ الآية الكريمة دالة على تحريمه ومن الأدلة على تحريم السحر قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقد ذم الله عز وجل في الآية اليهود الذين يصدقون بالجبت الذي منه السحر وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد فبين رضي الله عنه أن الكهان تتنزل عليهم الشياطين ويخبرونهم بما يستسرقون السمع من السماء فيصدقون مرة ويكذبون 100 كذبة ويزيدون وينقصون وقد كان لكل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهب. Et les preuves dans le livre d'Allah sont nombreuses qui viennent interdire la sorcellerie. Parmi ces versets, la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Baqarah, et il savait pertinemment que celui qui achetait cela, c'est-à-dire la sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. C'est-à-dire que les Juifs savaient que celui qui acceptait la sorcellerie en échange de la législation d'Allah n'aura aucune part dans l'au-delà. Et ceux qui n'ont pas de part dans l'au-delà, ce sont ceux qui sortent de l'islam. Car le sorcier, pour devenir sorcier, doit vendre sa religion. Il doit vendre sa religion par cette vie mondaine. Et ceci est une immense menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla dit dans l'autre verset, et il croit au jibt et au tarot. Omar radiallahu anha dit, al-jibt, c'est la sorcellerie. Et al-tarot, ce sont les diables. Et Jabir radiallahu anha a dit, al-tawarit, qui est un terme qui signifie plusieurs choses. Parmi les significations du terme tawarit, tawarit au pluriel, ce sont des charlatans sur lesquels descendaient les diables dans chaque quartier. Dans cette parole, Jabir radiallahu anh nous explique que les charlatans et les sorciers, les diables viennent à eux et les informent des informations qu'ils ont pu voler dans le ciel. C'est-à-dire les diables écoutent les informations du ciel et volent une partie de ces paroles et descendent vers ces charlatans et ces sorciers en disant une parole vraie mélangée à 100 mensonges. Et avant l'arrivée de l'islam, chaque tribu avait au sein de celle-ci un charlatan ou bien un sorcier qu'il prenait comme juge. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam et a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam cette religion de l'islam, ces pratiques ont été abolies et le ciel a été protégé par des étoiles filantes. Ainsi, les étoiles, parmi leurs bénéfices et parmi leurs rôles, tout d'abord d'embellir le ciel. Mais les étoiles servent également aux voyageurs de s'orienter Et les étoiles également servent à protéger le ciel des djinns et des shayatines qui viennent écouter les informations du ciel. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذه أيها المسلمون سبع مهلكات موبقات لفاعلها يترتب عليها عقوبات في الدنيا وعذاب في الآخرة ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيها وأمر بالابتعاد عنها أما أولاها الشرك بالله بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أعظم ذنب عصي الله به وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كمن يستغيث بأصحاب القبور ويذبح لها وينذر لها وفاعله مخلد في النار إذا مات ولم يتب كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي الذنب أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أما الثاني الموبقات فهو السحر وقد ذكره عليه الصلاة والسلام بعد الشرك لكونه يكفر متعاطيه فلا يتوصل إليه إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليها بالذبح والدعاء والاستغاثة وسائر الموبقات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام والتي يجب الحذر من فعلها لأنها من كبائر الذنوب وتوجب غضب الرب جل وعلا ومن وقع في شيء منها فالبدار البدار للتوبة قبل خروج الروح إلى بارئها. Et parmi les preuves de l'interdiction de la sorcellerie, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Abstenez-vous des sept destructrices. » Ils ont dit « Quelles sont-elles, ô envoyé d'Allah ?» Il a répondu « C'est le fait d'associer Allah. C'est la sorcellerie. C'est le fait de tuer une âme qu'Allah a rendu sacré, sauf dans le droit, c'est de consommer l'usure, c'est de consommer l'argent et les biens de l'orphelin, c'est de tourner le dos le jour de la bataille, et c'est d'accuser injustement des chastes croyantes d'avoir commis l'adultère. Ce sont les sept péchés capitaux dont nous a informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des péchés qui implique un châtiment dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le fait de les mettre en pratique et nous ordonne de nous éloigner de celles-ci. Parmi la première citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien sûr d'associer à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par le shirk car c'est le pire des péchés par lequel Allah est désobéi. Et sa définition est le fait de mettre au même niveau qu'Allah, autre qu'Allah, dans ce qui est propre à Allah. Comme ceux qui demandent le secours à ceux enterrés dans leur tombe, comme ceux qui égorgent pour eux et leur vouent des vœux. Et celui qui commet cela restera éternellement en enfer s'il meurt sans se repentir. Allah Azza wa Jal dit, celui qui associe Allah, Allah lui interdira l'entrée au paradis et sa destination sera l'enfer et il n'y aura point de secoureur pour les injustes. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, quel est le péché le plus grand chez Allah? Il a répondu, c'est le fait de prendre avec Allah une divinité alors que c'est lui qui t'a créé. Le deuxième de ses péchés capitaux est la sorcellerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la sorcellerie en second. Ceci pour montrer que celui qui commet la sorcellerie tombe dans la mécréance. Car l'on ne peut être sorcier qu'après avoir adoré les diables et qu'après s'être rapproché d'eux en sacrifiant des bêtes pour eux, en invoquant ces diables ou en leur demandant le secours. Et les sorciers se rapprochent des diables pour avoir ce qu'ils veulent et pour avoir le statut de sorcier en faisant bien pire que cela. Ils sont obligés de commettre des actes d'humiliation, soit des humiliations envers leur propre personne, soit envers des choses sacrées de l'islam, comme humilier le Coran, uriner dessus, le jeter dans les toilettes, écrire des versets du Coran avec le sang des menstrues, wal'iyadu billah. Autant d'actes de mécréance que le sorcier est obligé d'accomplir s'il veut que les diables soient à son écoute et soient à son service. Et les autres péchés capitaux qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont il faut s'abstenir, car ce sont des péchés qui provoquent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui donc qui commet l'un de ces péchés doit s'empresser à se repentir, doit s'empresser à demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, avant que l'âme ne sorte de son corps et ne rejoigne son Créateur. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Inna khatara as-sihri 'azim. لذا كان حد الساحر القتل لعظم كبيرة السحر وشرها على المجتمع. وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة المسلمين كتب إلى أمرائه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتل 3 سواحر. والصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. والسحر من تأثيرات الأرواح الخبيثة، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها. وإذا كان القلب يطابق فيها لسانه كان سالما بإذن الله من إصابته بالسحر والعين والمس والأمراض والبلايا. والمسلم إذا استعاد بالله يستعيذ بمن هو المولى ونعم النصير. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام التحصن بالأوراد الشرعية والأدعية النبوية، ومنها قراءة المعوذات 3، ومنها قراءة المعوذات 3 مرات في الصباح والمساء وعند النوم، وكذلك قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء، وقراءة الآيتين من سوم آخر سورة البقرة لقوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر. وقوله عليه وقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في الصباح والمساء، وقول أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق 3 مرات في الصباح والمساء. Le danger de la sorcellerie est immense. C'est pour cela que la sentence vis-à-vis du sorcier est la peine de mort, car le péché qu'il commet est immense, et le mal qu'il diffuse dans la société et immense également. Dans le Sahih de l'Imam al-Bukhari, Omar radiyallahu an, lorsqu'il était gouverneur des musulmans, a écrit à ses ministres de tuer tout sorcier et toute sorcière. Et il a rapporté de façon authentique, selon Hafsa radiyallahu anha, qu'elle a ordonné que l'on tue une fille qui l'avait ensorcelée et elle a été tuée. Bien sûr, cette sentence doit être appliquée par le gouverneur musulman ou celui qui le représente. Il est interdit au commun des musulmans d'appliquer les sentences de l'islam. Le seul qui a le droit d'appliquer les sentences, ce sont le gouverneur, le juge ou ceux qu'il délègue. Même le savant n'a pas le droit d'appliquer les sentences. Le savant répond à une question qu'on lui pose. Le savant donne le jugement d'Allah sur une situation qu'on lui présente. Mais en aucun cas il lui est autorisé d'appliquer lui-même la sentence, sauf si le gouverneur lui donne ce pouvoir. Et la sorcellerie, ce sont des effets et le résultat d'âmes mauvaises, de diables. Et le fait de repousser cela est fait à l'aide de versets du Coran, d'invocations prophétiques et d'incantations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viennent abolir cette sorcellerie et qui viennent abolir les effets de cette sorcellerie. Et plus la personne dira ses invocations et ses rappels et ses incantations et ses formules prophétiques avec la sincérité du cœur, avec la présence du cœur, en connaissant le sens de ce qu'il dit, et en se remettant à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien par la volonté d'Allah, il sera préservé d'être touché par la sorcellerie, ou par le mauvais œil, ou par un djinn, ou par une maladie, ou toute autre tentation. Et le musulman, lorsqu'il demande la protection d'Allah, qu'il sache qu'il demande la protection du Seigneur de l'univers, celui qui est capable de toutes choses, celui qui est le seul à pouvoir le guérir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de multitudes de formules, d'invocations à dire afin de nous protéger et nous guérir de la sorcellerie et de ce qui s'y rapporte. Par exemple, de lire Sourate al-Ikhlas, Sourate al-Falaq, Sourate An-Nas, 3 fois le matin, 3 fois le soir, 3 fois avant de dormir. De lire également le verset du repose-pied, Ayatul Kursi, le matin et le soir. Et de lire les 2 derniers versets de Sourate Al-Baqarah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit les 2 derniers versets de Sourate Al-Baqarah dans une nuit, elles lui suffiront. C'est-à-dire, elles lui suffiront de se protéger contre tout mal. De dire également Bismillahilladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama', au nom d'Allah, par lequel rien ne peut faire de mal avec son nom, que ce soit dans les cieux ou dans la terre. Wa huwa as-sami'ul 'alim, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Allah azza wa jal, de dire cette invocation et ce rappel à 3 reprises le matin et le soir. Également de dire je demande la protection par les paroles d'Allah complètes contre le mal contenu dans ce qu'il a créé, contre le mal de ses créatures. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, de le dire à 3 reprises le matin et le soir. Tout ceci est rapporté de façon authentique dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien d'autres invocations, bien d'autres rappels nous ont été enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veut le bien pour sa communauté, qui lui veut la guider et qui lui veut la féliciter dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Nasallallahu azza wa jal lana wa lakum al-afiyah wa salamata fi ad-dunya wal akhirah. Allahumma kfina sharra as-sihri was-sahara. Allahumma kfina sharra as-sihri was-sahara. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان واللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والسحر والسحرة والعصيان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.